Et bonjour, vous êtes sur Canal Sud, vous écoutez La Centrifugeuse et c'est l'émission 380 qui commence maintenant. Now le morceau qui vient d'entamer l'émission est signé par un vieux groupe, City of Caterpillar, vieux groupe, mais c'est seulement son deuxième album là, qui vient de sortir. Le premier était sorti en 2002, il avait posé les fondations un petit peu, il avait contribué en tout cas à poser les fondations d'un genre, le post-hardcore. Voilà, il y a depuis eu quasiment 20 ans de silence, juste entrecoupé de quelques sorties de EP de temps en temps, très très rares. Et là, ce second album qui s'appelle Mystic Sisters, le morceau qu'on vient de s'écouter s'appelle Voiceless Prophets. Voilà, donc ce groupe vient de Richmond, en Virginie. Il est amené par le guitariste Jeff Kane et le chanteur-guitariste Brandon Evans. On est entre screamo, post-hardcore, heavy shoegaze et même quelques éléments de post-rock. C'est assez lourd, c'est parfois violent, c'est toujours plutôt atmosphérique et c'est un très bel album, je trouve. Voilà, sinon, pour continuer l'émission, on aura une petite séquence punkisante, on va dire. On aura un premier album de la semaine, un rock assez tribal avec Goth. On aura une séquence de musique électronique. On aura un second album de la semaine du jeune John Cale. On aura de la pop, une séquence pop, une séquence pop folk féminin. Et on terminera avec le troisième album de la semaine qui est entre folk latin, dream pop et ambient avec Marlène Ribeiro. Donc de suite, séquence un peu punk, on commence par Special Interest. C'est un groupe qui nous vient de Louisiane, qui vient de sortir son troisième album depuis 2018. L'album s'appelle Endure. Endure, donc comme Endure en français. C'est un groupe mené par l'excellente chanteuse Ali Logout. On est un petit peu entre post-punk, dance-punk, glam, disco, house et indus. On peut penser à l'écoute à des groupes comme Happy Mondays, Rapture, LCD Sound System, Chick Chick Chick, B52 ou Le Tigre. Les paroles sont assez politiques, hein, comme les paroles du morceau qu'on va écouter maintenant, qui s'appelle Herman's House, qui parle d'un afro-américain, Herman Wallace, militant d'ailleurs de la cause afro-américaine, et injustement condamné à 40 ans d'isolement pour le meurtre d'un gardien de prison, meurtre qui n'est en approuvé depuis qu'il ne l'avait jamais commis. Voilà, et le tout est assez dansant quand même. Special Interest, c'est parti. We'll be right back. still like the song, but just can't relax. I damn those Wall Street bots, they're gonna drive me mad with their ups and downs and ups. They're back down, bottoming out, and when you start out, oh, it's a fine old habit. To the moon, lost porn, and I'm too far gone for that Alka-Seltzer crack. Crayons dipped in glue, well, Bill's really gone and done it now. With that tiny little shot in the arm, gonna raise the whole thing to the ground. It's like Windows 98 in here, but when I'm right back up again, goddamn, back down. Because these diamond hands, and I'm never gonna live this down. You know I've really better shut it all out, but the market never sleeps. Man, it's never gonna fool me again. Time 100%, it's all over Telegram. There's gonna be a bull run, but this guy's got the perfect system, so it makes sense to go all in. It's the best tip I've ever had, and this non-fungible token's gonna impress my wife's new boyfriend. Though it's not gambling if you're wearing a tie, even if you've got no trousers on. Well now let's go and get 'em. I got a really excellent feeling, and yes, now the market's open. Wait, I've already blown all my savings. I'm on a bag, a holding clown. I'm on a weird hill to die on. I guess I better remortgage the house. I wait, the valley's turning upside down, and I didn't hear no bell. Man, I can't believe I've done it again. Well, at least I've still got my Iraqi dinars. Gotta sit tight, hold on, for evaluation day. And then there's always those emails from that lovely Nigerian prince. But to be fair, I haven't heard very much out of him lately. I said buy low, sell high, but how can you tell if you're doing it right? I got down to the moon, baby. Cause obviously there's no valleys on the moon. Voilà, juste après Spécial Interest, on est resté un des choses un peu punk, mais moins électronique, plus post-punk avec The Cool Greenhouse, groupe amené par le chanteur Tom Greenhouse et son assez inimitable parler et chanter. C'est assez drôle, c'est très maîtrisé, c'est leur second album depuis 2020. Il s'appelle Sods Toasty, le morceau qu'on a écouté s'appelle Hard Rock Potato. Voilà, ils ont pour fan un certain Henry Rollins, mythique leader des Black Flag. Au niveau musical, moi ça me fait assez penser à ce que peut faire un groupe comme Art Brut par exemple. Donc voilà, avis aux amateurs du genre. On poursuit avec le premier album de la semaine qui nous vient de Suède, s'appelle Odesse et signé Got, inclassable collectif donc suédois qui nous vient de Kopilombo dans le comté de Norrbotten qui est le comté le plus au nord de la Suède. C'est aussi le plus étendu de Suède. La ville d'où ils viennent a 527 habitants, pas grand chose à faire on imagine. Donc de quoi pondre des albums, c'est déjà leur quatrième depuis 2012. C'est un groupe assez mystérieux, tous les membres sont masqués et revêtent des costumes évoquant assez le vaudou, le chamanisme ou un mélange des deux. Ils sont assez barrés, ils se décrivent eux-mêmes comme de formidables guerriers psychiques, canalisateurs du mysticisme et partisans d'une quête spirituelle qui transcende cet univers. Voilà, bon, ça en dit long sur le délire qui traverse le groupe au niveau musical. Donc, ben, vous l'aurez compris, des choses psychédéliques sous forte influence de jazz 70s, d'afro-rock et de soul gospel. Endiablé, il y a des motifs caribéens qui se greffent assez régulièrement aux mélodies, voilà, et puis des rythmiques un peu tribales. Tout ça est très joyeux, tout ça est très, très passionnant, assez unique. On les reconnaît de suite, Goth, quand il joue. Voilà, moi c'est un groupe que j'apprécie vraiment beaucoup. J'espère que vous l'apprécierez aussi. On va écouter deux morceaux dans cet album. Le premier s'appelle Under No Nation et le deuxième s'appelle Passes Like Clouds. Got, c'est parti. Voilà, donc à l'instant, c'était le morceau Passer Like Roots, le second extrait de notre premier album de la semaine, le formidable Odessa de Goth suite. C'est le morceau qui conclut l'album. Et voilà, j'espère que vous écouterez et que vous apprécierez autant que moi cet excellent album. On poursuit avec une séquence techno et on commence par Dale Cornish qui est un londonien, un vétéran londonien, c'est déjà son 12e album depuis 2011. C'est un album qui fait la techno expérimentale, alors c'est un genre qu'il n'a pas toujours pratiqué, lui il vient plutôt de l'électroclash ou de la rave, voire de la pop industrielle. Mais ce qu'il fait sur cet album, ça se rapporte assez à ce que peut faire un certain DJ Sprinkles, pour ceux qui connaissent. Donc une techno expérimentale, sans sample, hein, toutes sortes de directement de ses machines. Il pose sa propre voix dessus, parfois profondément modifiée, parfois claire et directe. Il y a des rythmiques assez marrantes et démodées. Ça fait penser à ce qui se passait dans les clubs gays londoniens à la fin des années 90, début des années 2000. D'ailleurs, lui-même le décrit son album comme une géographie psychosexuelle des clubs gays londoniens disparus. Donc voilà, c'est à la fois un hommage, il y a une mélancolie. Et c'est un côté un peu désuet dans son électronique. Donc le morceau qu'on va écouter s'appelle Great Storm Dale Cornish. C'est parti. Voilà, donc juste après Del Corniche, on est resté dans l'électronique, mais une électronique beaucoup moins expérimentale, beaucoup plus atmosphérique avec Rival Consoles, projet de Ryan Lee West, son 8e album depuis 2009. Voilà, c'est à base d'instrumentation synthétique et acoustique. Une forte composante d'électronique un petit peu modulaire, mid-tempo dedans. C'est assez minimaliste et immersif. Ça peut faire penser à certains albums de John Hopkins, par exemple. Voilà, c'est plutôt intéressant. On poursuit avec le second album de la semaine, qui est signé par le jeune John Cale, donc légendaire membre fondateur du Velvet Underground qui a près de 80 ans donc signe son 17e album. On l'avait quitté sur le M-Fams de 2016. Donc là il revient sous son aspect on va dire le plus défricheur, le plus expérimental quelque part. Tout l'album est centré sur la rencontre entre sa voix, désormais assez tremblante, et une vague de production instrumentale qui la plonge dans un nuage un petit peu électronique aux accents ambient 80s. Il y a, je trouve, une assez forte influence Brian Eno sur ce disque. Voilà, c'est en tout cas l'album de quelqu'un en phase avec son époque, époque formidablement représentée par une pléthore d'invités prestigieux. Donc ça va de Waste Blood à Sylvain Esso, en passant par Laurel Halo, Animal Collective, Actress ou encore la Fat White Family. Et les paroles, ils s'inquiètent plutôt d'un certain nombre d'aspects assez sombres de l'époque, comme la montée de l'extrême droite, le réchauffement climatique, l'ère Trump, ou le dégât de l'ère Trump en tout cas, les conséquences du Covid-19 ou encore le Brexit. Il y a une ambiance donc assez lourde et détachée en même temps. Il y a toujours un petit peu d'espoir pour les générations qui suivent, on va dire. Voilà, c'est le regard de quelqu'un qui a bien vécu sur son époque. C'est très joli, je trouve. On va écouter deux extraits. Le premier s'appelle Merci. Et il y a invité dessus donc l'excellente Laurel Halo. John Kell, c'est parti. Thank you. Voilà, donc à l'instant, c'était le second extrait de notre second album de la semaine. L'excellent album Merci de John Cale. Le morceau s'appelait Marilyn's Monroe's Legs et il faisait intervenir électronicien, actrice. Donc, album chaudement recommandé. Vous l'aurez compris, vous aurez également compris que sur cet album, John Cale n'a pas peur de faire dans de l'expérimentation. Donc. On poursuit avec une séquence nettement plus pop classique et on commence avec Gus Coombs. Gus Coombs qui est le chanteur de la machine à tube Supergrass, machine qui a sévi entre 1995 et 2008. Groupe qui venait d'Oxford, lui aussi donc d'Oxford, et en solo, c'est son quatrième album depuis 2012. L'album s'appelle Turn the Car Around. Voilà, c'est une pop solide, très classique, imprégnée de son remarquable savoir-faire en chant et en écriture. Le morceau qu'on va écouter est le morceau éponyme de l'album Turn the Car Around. Donc, Gascoums, c'est parti. I watch a satellite go by. lights are a pale fire. In the morning I could feel the flames. I saw a pale fire. In the morning I could feel the flames. I can feel the sea mist on my skin like a mummy. A horse in the dying light. In a forest at dawn, I see a hunter holding his newborn. In a desert, I am alone. I felt nervously alert, suspicious without knowing why. Après Gascoombs, on est resté à la pop, on est même resté à Oxford avec le groupe Ralph Band, groupe mené par Oli Ralph. Quatrième album depuis 2005, donc l'album n'est pas encore sorti, une fois n'est pas coutume, on passe à l'album avant qu'il sorte. Il sortira le 16 juin chez Talitre. Le nom de l'album sera Achille Was a Hound Dog, je crois que c'est un titre extrait d'un roman de Vladimir Nabokov. Le morceau qu'on vient de s'écouter donc, est un single qui précède la sortie. Ce single s'appelle Pale Fire. Voilà, donc on passe, je pense, d'une pop rêveuse et facétieuse mêlée de folk américain, de musique des Balkans, à quelque chose de plus rythmé, une pop aux hymnes addictifs portée par une écriture assez ludique et inspirée. Alors je ne sais pas si tout l'album sera de ce calibre, nous verrons, on peut l'espérer, et si oui, ce sera vraiment, vraiment bien. On poursuit avec une séquence pop-folk, et on commence avec Indigo Spark, l'Australienne qui vient de Sydney, qui a sorti son second album. Elle avait sorti son premier en 2021, le second en toute fin de 2022. Le premier, elle l'avait fait produire par Adrian Denker, ce qui est un sacré gage de qualité, on va dire. Le second, elle l'a fait produire par Aaron Dessner de The National, ce qui montre qu'elle est en tout cas capable de séduire de grands noms. Cette jeune femme, donc pour de grand nom pour autour de sa musique pop folk assez clair obscur sur lequel elle chante merveilleusement. Elle a vraiment une très très belle voix, des textes intimistes et nostalgiques qui finissent par ouvrir sur une certaine plénitude. Et sur cet album, elle est entourée de son collaborateur habituel, le multi-instrumentiste de Shalizad Ismaili, et du batteur Matt Barrick de The Walkmen notamment. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Blue, c'est je crois le morceau qui ouvre l'album Indigo Spark, c'est parti. Standing alone with a bottle of wine, will you come back to me? You'll try. Holding the hand of time moves still, can we go back to that? You'll try. So close we couldn't breathe. I wondered all about the homeless poets spitting flaming truths about the world we fell. We stood alone amongst the fallen snow, the winter that you knew so well. Thank you. took me out across the water, carried me so my feet wouldn't get wet. The sun, she sank and gently painted tawny light on the silhouette of love in stillness. Voilà, juste après Indigo Spark, on est resté dans la folk avec une grande dame de la folk américaine d'aujourd'hui, Alela Diane, qui a sorti son sixième album depuis 2003. L'album s'appelle Looking Glass, donc la chanteuse de Nevada City en Californie. Bon, on est toujours dans ce qu'elle fait de mieux, à savoir une pop folk assez classique, parfois countryisante. Sur cet album, la guitare reprend un peu le pas sur ses deux autres instruments de prédilection, à savoir le piano et le violon, mais qui sont toujours là. Hein. Voilà, il y a des arrangements un peu orchestraux, parfois un petit peu 50s ou 60s, et des paroles issues de sa vie personnelle pour qui l'inspire beaucoup. En tout cas, il y a des paroles qui parlent par exemple d'une tempête assez dévastatrice subie par sa ville, je crois, et sur les conséquences de la Covid également, sur le divorce de ses parents, sur la parentalité, ça l'inspire beaucoup. Elle est mère de deux filles, voilà, et sur tout ça, il y a régulièrement des notes d'espoir, des notes qui disent quand même, quels que soient les coups, faut aller de l'avant, c'est assez lumineux. Voilà, un bel album donc d'Aléla Diané, l'album s'appelle Looking Glass. On termine cette émission avec deux extraits du dernier album de la semaine qui est signé Marlène Ribeiro. C'est son premier album, donc c'est une jeune londonienne, hein, elle est portugaise. De par sa mère, je crois, son père a, je crois, des racines brésiliennes qui s'entendent un petit peu sur l'album. Album assez étrange, mélange de dream pop, de néo-psychédélisme, de folk latin et de trance tropicale, le tout entremêlé de samples issus de la nature. C'est très très apaisant, ça reste assez longtemps en tête. Surtout si on les cote par un jour lumineux, comme ça m'est arrivé pas plus tard que hier. Voilà, un mélange en tout cas très original. On vous recommande donc fortement Toquei no Sol de Marlène Ribeiro, dont on va écouter deux extraits. Le premier s'appelle Quattro Palavas, le second s'appelle You Do It. Ça conclura cette émission, je vous dis dans 15 jours, sans doute avec Nico et peut-être d'autres personnes, on verra. Je vous dis à dans 15 jours. Quero fado, eu disse que não sabia. Ficastes admirado para ver o que dizias. Eu menti naquela hora, eu disse que não sabia, mas vou-te dizer agora. Ruas estreitinhas, casas branquinhas, gente a passar, gente que se beija e só deseja a luz do luar. Amor, ciúmes, cinza e lume, dor e pecado, tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Thank you.